L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeurs aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On va parler de golf avec la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Yami Kirtner. Salut Rémi. Bonjour. Hey, Rémi, ça a été une razzia pour nos golfeurs d'ici de Dolbeau-Mistassini à l'Omnium régional. Et je pense que Saint-Prime, ça a bien été. Il y a Jean Lamotte, de mémoire, j'en ai parlé dans mon petit sport local, mais il y a Jean Lamotte qui a remporté la victoire. Et il y en a d'autres, j'imagine. Ben c'est ça. En fait, trois joueurs de Saint-Prime ont joué ex aequo là dans le 2A et dans le A. Okay. Mais les deux, un était déjà parti, puis les deux autres ont perdu en prolongation. C'est Raymond Lavoie qui a gagné dans le A avec un 74, mais c'est je pense que c'est Christian Pelchat, un junior, qui a gagné. Oui, Christophe Pelchat, pas Christian, Christophe Pelchat de Dolbeau, qui va très très bien d'ailleurs. C'est ça. Alors, ça a été une bataille entre Dolbeau et Saint-Prime. Puis c'est le fun parce que sur le plan régional, Saint-Prime se démarque particulièrement cette année. Puis nos deux meilleurs joueurs en fin de semaine, ils étaient eux au Duc de Kent, ouais. Jonathan Lambert et Dave Dumas. Malheureusement, ils n'ont pas fait la cote parce qu'ils ont joué 77 et 78 samedi. OK. Donc, ça, les 17. Ben, moi, j'ai parlé de Pierre-Alexandre Bédard. C'est vrai, je n'ai pas parlé de mon petit sport local. C'est sûr que moi, je surveille Pierre-Alexandre parce que c'est le plus beau talent qui a sorti de la région depuis Kevin Fortin-Simard. Parce qu'on a inclus Chipogamo également dans la région. Là. Mais oui, effectivement, Dave Dumas. Mais c'est un tournoi très compétitif, le Duc de Kent. Hein? Ah oui, absolument. Puis en plus, Pierre-Alexandre a terminé deuxième, ouais, parce qu'il a perdu en prolongation au Alexandre de Tillis. Mmh. Puis il a fini deuxième au Duc de Kent. Puis vous savez là que Pierre-Alexandre va être avec Kevin Fortin-Simard, ouais, à Lambert, puis on essaie de trouver un autre professionnel pour le Skin Game à Saint-Prime le 31 juillet. Okay. Alors on va avoir de belles compétitions. Le Skin Game, c'est-tu ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux là? C'est-tu une espèce de Coupe Rider entre Dolbeau et Saint-Prime, c'est ça? Non, ça, c'est pas la même affaire. La Coupe Raider, c'est entre les deux clubs, Dolbeau et Saint-Prime. Le Skin Game, c'est un tournoi là où chaque trou vaut de l'argent. Puis c'est ces quatre joueurs-là qui vont partir sur le terrain de départ puis qui vont essayer de faire une compétition là en tentant d'avoir le meilleur score pour le meilleur pointage pour remporter l'argent. Alors, c'est ça qu'on appelle un skin game. Puis quand les deux ou les trois ou les quatre joueurs ont le même pointage, le montant est reporté sur le trou suivant. Alors, plus on avance dans le tournoi, plus les trous valent de l'argent. OK. Fait que, donc... Mais Coupe Rider, c'est entre Dolbeau et ça va être les meilleurs joueurs de Dolbeau contre les meilleurs joueurs de Saint-Prime, c'est ça? Ça va être dans les meilleurs joueurs, parce que c'est par classe. Okay. Alors, c'est pas comme un interclub, là. C'est pas les 10 ou les 12 meilleurs joueurs de chaque club. C'est les meilleurs joueurs en match-play, parce que c'est un tournoi au trou et non par coup, dans chaque classe. Okay. Puis il va y avoir aussi la classe féminine. Alors, je pense que c'est 12 joueurs au total, dont 2 dans le 2A, 2 dans le A, 2 dans le BB, dans le B, dans le C, et féminin et open. Okay. Ça va être intéressant. Moi, j'avais donné l'idée l'année passée avec Junior Gino, parce que Junior, c'était très dynamique. Je ne sais pas si tu connais Rémi. Là. Et vous trouvez toujours le moyen. Eux autres cherchent toujours des idées pour promouvoir le golf dans la région, parce qu'il n'y a pas rien que Saint-Prime qui l'arrache. Tous les clubs, à part Chipogamo, mais Chipogamo, c'est parce qu'ils ont des revenus autres que le club de golf, des revenus de salle, entre autres, et d'abord, et ainsi de suite. Et j'avais donné l'idée d'une Coupe Rider entre le lac Saint-Jean et le Saguenay. Puis finalement, ça n'a pas été retenu. Les meilleurs joueurs du Lac contre les meilleurs joueurs du Saguenay. Puis ça a pas, ça, malheureusement. Ouais, ça serait bon, ça. Oui, tu m'en avais déjà parlé, puis je trouvais que l'idée était bonne, sauf que je t'avais répondu à l'époque qu'il y a déjà un interclub. Ouais. C'est pour ça, je pense, que ça fonctionne pas, là, un match entre le Lac et le Saguenay. Cependant, il y a déjà aussi, à partir des concours régionaux, là, ce qu'on appelle les filidés, un match play plus les filidés. Donc, ça fait beaucoup de tournois régionaux. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de créer entre Dolbeau et Saint-Prime comme dynamique, ça, c'est merveilleux. Et puis la Coupe Raider qu'on fait entre nos deux clubs, ça va apporter de l'eau au moulin dans chacun des clubs. Ça, c'est bien correct. Ouais, ouais. Et aussi, Saint-Prime, il ne faut pas oublier Chipougamau. Je sais que Michel, dans la chronique du club de golf de Chipougamau, m'en a parlé la semaine passée de ce partenariat entre les trois clubs. Puis, à quelque part, il faut s'aider, hein, parce que c'est pas Saguenay qui va vous aider. Effectivement. Puis là, déjà, on a un homonyme que nous autres, là, on appelle avec Chipougamau, on y va, je pense que c'est dans la deuxième semaine ouais. Que les autres vont venir aussi, là, à une autre période. Alors, on loue un autobus, on va jouer à Dolbeau, on soupe là, puis ils vont faire de même. Ils vont louer un autobus, ils vont venir jouer à Saint-Prince, ils vont souper chez nous. Alors non, je pense que, je te l'ai déjà dit, Danny, nous, on a fait une intervention auprès de nos membres pour que on aille jouer vers le nord. Ouais. Alors, il faut que le conseil d'administration puis le directeur général, son président, son directeur, commence par donner l'exemple. Puis le meilleur exemple, c'est les partenariats qu'on a avec Dolbeau. Hey, dis-moi votre fameux dossier là de tournoi de golf là que tu me disais qu'il faut que ça passe au CA. C'était accepté, ça? Ça a été accepté provisoirement parce que ça nous prend un commanditaire majeur. Okay. Il devait y avoir une rencontre aujourd'hui. Moi, je suis à l'abbé aujourd'hui, j'ai pas eu des résultats, sauf qu'on est à peu près certain que ça devrait se tenir. C'est le vendredi 31 juillet, l'Omnium s'imprime avec les meilleurs joueurs régionaux dans un cadre meilleur balle. Après ça, en soirée, il y a le Skin Game, là, que je te parlais avec ouais. Pierre-Alexandre Bédard, Jonathan Lambert et Kevin Fortin-Simard, plus un autre joueur. Le lendemain, le samedi, c'est le tournoi des équipes de sport, là, les joueurs qui vont se présenter avec leur équipe de sport, là, exemple leur gilet, vont jouer, puis en soirée, sous les éclairages, c'est le concours de drive. Okay. Puis le dimanche, c'est le concours régional à Saint-Prime, là, c'est-à-dire les meilleurs joueurs régionaux qui viennent compétitionner sur le terrain de Saint-Prime sur le lac Saint-Prime. OK. Ben, il y a d'autres choses. Alors, tout un week-end. Ben oui. Il y a d'autres choses à ajouter en terminant. C'est sûr que là, on s'en va durant la période des vacances. Je te dis tout de suite, les deux, trois prochaines semaines, si on va radoter probablement, parce que la conique est commanditée. Fait qu'il faut la faire pareil, mais on radotera. Il y a d'autres choses à dire? Mais. Ben, peut-être juste dire qu'encore, on invite les gens ouais. à venir à Saint-Prime parce que le terrain est magnifique cette année. Puis nous, vendredi, on a encore une autre mafia avec un petit tournoi là qu'on appelle local. Puis on a côte levée de perron et frites en soirée. Fait que ça devrait être encore très populaire. On a même des groupes là qui ont réservé cette journée-là pour venir manger avec nous. OK. Ben on s'en reparle mardi prochain ou mercredi, Rémi. Et on devrait en savoir davantage sur le commanditaire pour l'activité du 31 juillet. Rémi Curtinus, le président du club de golf de Saint-Prime.